Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des cylindres, des roseaux gravés, le style ou stylet. Des pleins et des déliés, une belle ronde, une jolie bâtarde, les moines copistes, les lettrines, les lettres historiées et le porte-plume que l'on mâchonnait. Les porte-plumes, on les mâchonnait, oui, jadis, dans les écoles quand ils étaient en bois et non en ivoire ou en or. En voici un objet qui a disparu du quotidien et que l'on retrouve dans les musées, si tant est qu'ils en soient dignes, célèbres par exemple pour avoir signé un traité de paix. Objet perdu, objet trouvé, le porte-plume par Claudie Weber avec Jacques Cathy et la graphologue Sylvie Sistron. Première diffusion sur France Culture le 2 août 1975. L'homme a commencé par dessiner, hein, pour fixer une idée ou pour communiquer avec ses semblables en faisant un petit chat. On savait que c'était un chat. C'est le principe même de l'écriture égyptienne, quoi, une des premières. Et puis en même temps, et même avant, il y a eu l'écriture cunéiforme, alors, qui était par les Sumériens. Et c'était avec des roseaux, avec un roseau. Et c'est ce qui donnait cette petite forme en pointe de plusieurs... clous enchevêtrés. On n'a pas inventé l'alphabet tout de suite, vous le savez. L'alphabet est venu, paraît-il, des Phéniciens, qui l'avaient fait d'ailleurs dans un but très pratique, parce qu'ils étaient très commerçants. Et alors là, on a réduit le nombre de signes, qui avant était considérable, et on est arrivé à avoir un alphabet qui permettait alors non plus de reproduire l'image ou une idée, c'était plus une écriture idéographique, c'était une écriture de son. Quels sont les ustensiles, enfin l'outil que l'on employait à ce moment-là pour écrire? Je vous dis d'abord, ça a été le sceau, le cylindre exactement. Ben, à Sumer, ils avaient des petits cylindres. Alors on a pu bien les dater par époque. C'était gravé et empreint dans la brique. Et dans la brique qui était cuite ou au soleil séchée, enfin, et qui restait. Alors on a des tas de lettres comme ça, on a trouvé des quantités. C'était pas le stylet, c'était exactement le roseau coupé. Et alors le stylet, lui, gravait en dessinant. Après, il est venu plus tard, le stylet, alors ça, il y en a eu, tous les Grecs, les Romains, et puis même nous autres. Après, on employait le stylet, qui était une pointe de bronze. Comme on écrivait à ce moment-là dans la cire aussi pour noter, il y avait à l'autre bout une petite palette pour effacer. C'était la gomme en quelque sorte. La plume d'oie, il fallait tailler. Alors on était arrivé à un véritable art de tailler les plumes, beaucoup plus tard d'ailleurs, ça vers le... Au XVIIIe siècle, il y avait des manuels de taille des plumes, il y avait des outils, très beaux outils qu'on retrouve, qui taillaient les plumes, on la fendait et on faisait. Et au début, c'est ce qui a donné cette écriture qu'on appelle faussement gothique d'ailleurs, enfin écriture qui était française et qui s'est répandue partout. Et en effet, ça permettait des enroulements et tous nos moines copistes du Moyen-Âge ont fait de magnifiques, comme vous voyez, de magnifiques lettrines, qu'on appelait des lettres historiées d'ailleurs, car il y avait des petits dessins et elles racontaient une histoire. Il y a eu des maîtres d'écriture merveilleux et ils avaient la plume d'oie. Victor Hugo écrivait avec une plume d'oie, vous le savez, et beaucoup de gens ont conservé ça très longtemps. Des plumes métalliques, il y en a eu autrefois, on en a trouvé quelques, même remontant assez loin, je ne sais plus exactement la date, mais il y en a eu. Mais enfin là, c'est surtout du 19e siècle que la plume a été industrielle, la plume sergent-major, bien connue, toutes ces sortes de plumes que nous avons eues à l'école, de toutes formes d'ailleurs, plume baïonnette, vous savez, qui était en forme de, comme les baïonnettes d'autrefois, et cette plume fendue, l'outil perpétuel de ça. Il y avait les plumes spéciales de ronde, vous savez, qui rappelaient exactement la coupe de la plume d'oie et même du roseau d'autrefois. Il y a eu de très beaux porte-plumes, ça c'est indiscutable. Et puis de très curieux aussi. Il y a, vous savez, les porte-plumes souvenirs qu'on ramenait des plages du Tréport avec la vue comme ça dans un petit... ou de Lourdes, ou de beaucoup d'endroits. Ça a été un des premiers souvenirs de tourisme, ça, de voyage. Et puis alors, les porte-plumes de bureau, on en offrait de très beaux, vous savez. Il y avait même la parure complète avec le cachet et tout ça. Des porte-plumes aux initiales ou aux armes des gens. Et il y a des porte-plumes célèbres, ceux qui ont servi à signer les traités de paix, les grandes conférences, sont conservés dans les musées nationaux, vous savez, c'est un souvenir historique. Et puis, alors, il y a eu des porte-plumes aussi, le porte-plume classique de l'école avec un tout simple, un petit manche en bois qu'on mâchonnait souvent pendant la leçon, ne vous intéressait pas tellement, on se faisait attraper. Et puis, il y en a en ivoire, il y en a en argent, il y en a même en or, il y en a eu de toutes sortes, des porte-plumes même coloriés avec en tortillons de couleur. Bon, je ne sais pas, des quantités de porte-plumes. Et on est revenu quelque temps, j'ai revu là, il n'y a pas très longtemps, des fausses plumes d'oie. Une très belle plume d'oie avec une vraie plume en métal fixée au bout, et ça fait très bien dans un intérieur ancien avec l'encrier. C'est très décoratif. Garde donc ta plume, Pierrot, mon ami, car moi j'en ai une de bien plus jolie. Une plume d'or qui, lorsque vient l'heure, tranquille s'endort au creux de mon cœur. Le stylo a été la grande révolution dans l'outillage de l'écriture. Parce qu'avant, il fallait transporter, vous savez, même les écoliers qui fréquentaient la Sorbonne au Moyen-Âge avaient un petit encrier suspendu dans une petite corne ou un petit vase quelconque. C'était pas très commode. J'ai encore vu, moi je me souviens, étant jeune dans la campagne, un représentant qui passait, ils avaient leur porte-plume et puis un petit godet d'encre, ils servaient de ça. Et nous, on connaissait les premières... Vous savez, les premiers encriers de porcelaine ou de plus d'autres faïences, des tables d'école, là, c'était assez fragile. Mais alors là, la révolution, en effet, ça a été le porte-plume réservoir. Mais ça remonte loin, hein, il y en a eu d'assez vieux, on a commencé au 18e, il y a eu des inventions. Tout le temps, on a cherché à une façon pratique d'avoir l'encre en même temps que la plume. Les stylos à billes, c'est une, comme le nom l'indique, c'est une bille qui, et l'encre arrive là, puis c'est une encre plus grasse, différente. Et je crois que ça a été fait un peu, ça s'est développé tout au moins pendant la guerre pour les aviateurs, hein, c'est bien ça. Qui l'encre, les stylos coulaient à une certaine altitude, alors il fallait bien le remplacer par autre chose. Ben maintenant nous en arrivons à des stylos, comment ça s'appelle? Oui, le feutre. Et puis il y a eu également aussi des pointes de nylon ou je ne sais quoi, comme un petit faisceau de fibres qui est pointu. Alors, on reviendrait presque aux anciennes choses avec cette façon d'opérer. La pointe bille a beaucoup dérouté les graphologues. Et même Crépieux Jamin, qui est le fondateur de la graphologie en France, a estimé que si la pointe bille devait se répandre, il n'y aurait plus de graphologie. C'est évidemment absolument faux, car il faut changer ses moyens d'investigation. Mais on voit très bien la pression avec la pointe bille, on voit moins l'épaisseur du trait. Mais ce n'est pas très important. Il est beaucoup plus difficile pour des graphologues actuellement de faire des analyses approfondies sur des manuscrits écrits à la pointe feutre. Parce que la pointe feutre est sans nuance. Et elle est tellement souple qu'on ne peut pas voir la pression. Et personnellement, je refuse de faire une analyse écrite à la pointe feutre. Le stylo commençait déjà à bien éluder, si j'ose dire, les pleins et les déliés. Il ne faisait pas beaucoup de différence. Mais maintenant, il est impossible d'en faire. Et c'était caractérisé, avant toute l'écriture a été caractérisée, par des pleins et des déliés. C'était vraiment basé là-dessus. Maintenant, c'est fini. Moi, je la trouve aussi jolie, d'ailleurs, mais pas en calligraphie, mais autrement, en écriture courante. Quand les pleins et les déliés sont pas bien faits par quelqu'un, c'est pas très joli, tandis que celle-là, on a devenu une écriture. Et ça a été défendu au premier temps dans les écoles, on voulait que les enfants continuent de faire des pleins et des déliés. J'y arrivais pas toujours, d'ailleurs. Mais enfin, il n'empêche que les écritures calligraphiées, une belle ronde ou une jolie bâtarde, c'est quand même très joli. Si tous les crayons que l'on vend à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully, et si toutes les plumes avaient Verlaine au bec et chacun sa chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes, deux bouquets, trois chansons et la lune. Si tu rêves, ta vie brève passera comme passent les rêves. La fortune, quelques thunes, et de quoi s'en aller dans la lune. Si tout passe. C'était Objet perdu, objet trouvé, le porte-plume, par Claudie Weber, avec Jacques Cathy et la graphologue Sylvie Sistron. Réalisation Marie-France Nussbaum, première diffusion sur France Culture le 2 août 1975. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.